au-dessus de la clairière. Fonce, Bender, fonce! Est-ce que je peux? Hey, regarde, tous les moineaux nous suivent. Alors, c'est vrai? On a gagné la bataille dans les airs. Les corbeaux aussi. Hey, avec une chauve-souris top gun comme moi, tu m'étonnes. Les araignées vont bouffer Mila, Bender. Ça doit pas arriver. Ça doit pas. T'inquiète, on est des héros, mon gars. On arrivera à temps. Tu peux me le jurer? Non, mais je bats les ailes aussi vite que je peux. T'approche pas. Vous avez perdu. Regarde, toutes mes araignées sont en train de bouffer des écureuils. Oh, regarde celui-là à droite. Il est pas encore mort. Et pourtant, il est prisonnier de toiles d'araignée et mordu jusqu'au sang par mes sœurs. Le venin fait son effet. Et ensuite, nous le grignoterons. Mais d'abord, toi. Que j'arrive à me décoller de cette toile. Que j'arrive à me décoller de cette toile. Oh, ne t'escrime pas, j'avance pas à pas, j'avance. Et je vais te leurrer. Bender! J'ai juste à poser sur elle et je l'écrase. Mila! Les moineaux! Eh oui, c'est de bons alliés, princesse. Les araignées! Ouais, on peut dire qu'on est à un partout, là. Attends, bouge pas, je t'aide à te décoller. J'arrivais pas, Bouge. J'arrivais pas à sortir de cette toile. Je sais. Ah, allez! Ah, voilà, c'est mieux. Tu es libre maintenant. On est en train de perdre, Bouge. On est en train de perdre la bataille. Je suis désolé. Dans la forêt, non loin de la clairière. Tu es prêt? Atis me fixait de son œil unique. Il me jeta une lance. Je l'attrapais d'une main avant de me relever lentement, difficilement. Ma tête me tournait encore. On va voir, petit être, si tu peux te mesurer au grand Atis. Nos lances se croisèrent, nos regards aussi. Il ne suffit pas d'être grand pour faire de grandes choses, Atis. Il ne suffit pas d'être grand pour faire de grandes choses. Parade, Isoc, parade, attaque. Ratis avançait, je reculais. Mais aucun de nous n'arrivait à toucher son adversaire. Le duel s'annonçait par trop égal. Jusqu'au moment où Ratis fit tournoyer sa lance pour la rabattre sur mes jambes. D'un coup sec, il me fit tomber dans la boue. La pluie tombait, l'orage grondait. Comme Ratis. Alors, Squeak, les Baefwish ne peuvent battre les rats? Imagine un instant l'intelligence d'un Baefwish marié à la force d'un rat. Quel doux mélange. Il l'a devant toi, Squeak. Tu n'es pas comme moi. Je me relevais lance en main. Non, c'est vrai. D'un coup sec, ils me firent tomber à nouveau, utilisant sa lance comme croche-patte. Je suis plus fort. Je le sentais, la tête dans la boue. Je le sentais tourner autour de moi comme un prédateur autour de sa proie. Il s'amusait. Il savait qui serait le vainqueur de ce duel et il s'amusait. Alors, Baefwish, il est loin le temps où tu diminuais dans les cavernes proches de Weshiti. Ici, il n'y a pas de tunnel à boucher, pas de plan, pas de stratagème. La force l'emporte sur la ruse. Nous avons une autre force, Ratis. Cette fois, je puis me remettre debout, évitant de justesse une nouvelle attaque de Ratis. Nous sommes sûrs de nous battre pour de bonnes raisons, tous autant que nous sommes. Alors que dans tes rangs, Ratis, à part toi, qui peut en dire autant? Sa lance s'abattit sur moi, mais je parais le coup. Sa gueule découvrait ses crocs acérés. Le tonnerre grondait. Au bord de la clairière. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, aucune idée. Le chaos. Le chaos, Ratis. C'est tout ce que tu peux apporter ici. J'apporterai une nouvelle ère, Squeak. Les rats seront les maîtres. Bah, Baefwish.